Chapitre 10e. Quelles furent les conséquences? Une année se passa. Lady Isabel Carlyle s'était réfugiée en France avec son amant, allant d'un lieu à un autre, sans se fixer longtemps dans le même endroit. Levison la laissait souvent seule durant des semaines entières. Il se rendait alors à Paris, gaspillant sa santé et son argent dans les mille et un dérèglements d'une vie de débauche. Lady Isabel était-elle heureuse? Non. Quand une femme du monde, d'un esprit élevé et d'un cœur délicat, consent à descendre de son piédestal, à se mettre à la merci du premier jeune faquin qui aura su lui faire oublier ses devoirs d'épouse et de mère, cette femme ne doit s'attendre qu'aux mortifications les plus humiliantes. Jamais, depuis la nuit fatale où elle s'était hasardée à quitter clandestinement le seuil de sa maison, jamais Lady Isabel n'avait goûté un seul instant de bonheur, voire même de calme et de repos. Jamais depuis que, dans l'étourdissement de son désespoir et de sa jalousie, elle avait consenti à approcher ses lèvres de la coupe impure d'une passion illicite, elle n'avait rencontré sur sa route le parfum d'une fleur, une joie à cueillir. Elle s'était éperdument élancée dans le gouffre béant, les yeux fermés, le cœur en délire, et maintenant elle était perdue, à tout jamais perdue, sans remède et sans retour possible. Le remords s'acharnait après elle. Il s'était mis à ses trousses dès l'instant même où elle avait déserté le foyer domestique. Il se dressait à présent terrible et menaçant, lui montrant sa faute dans son affreuse nudité. Ô lectrice, qui que vous soyez, jeune fille, épouse ou mère, si jamais vous êtes tentée de soulever un coin de ce voile derrière lequel s'abrite le démon tentateur, soyez sûre que ce voile, en retombant, vous ensevelira sous ses plis impurs et vous laissera seul et abandonné au milieu des ténèbres les plus profondes. Quelles que soient les épreuves que vous ayez endurées à l'heure présente, alors même que ces épreuves vous écrasent l'esprit, alors même que votre cœur se révolte contre elles, et qu'il vous semble impossible de les endurer plus longtemps, résignez-vous et courbez la tête, prosternez-vous à genoux, et implorez le ciel de venir à votre aide. Priez, priez encore, pour que la tentation cesse de souffler à vos oreilles ces paroles mystiques qui déjà jettent le trouble et l'anxiété dans votre vie et qui ne peuvent vous mener qu'à la honte et au dégoût. Luttez avec courage, avec fermeté, et ne transigez jamais avec votre devoir, avec votre conscience. Pauvre Lady Isabel, pauvre créature déchue, elle a tout sacrifié, son époux, ses enfants, son honneur, sa famille, tout ce qui contribue à rendre la vie heureuse. Elle a menti à ses serments, à ses devoirs envers Dieu. Et pourquoi? Dans quel but? Pour s'attacher à une idole de boue, pour s'enfouir misérablement avec Francis Levison. Et maintenant que ses yeux se sont enfin dessillés, maintenant que la grossière réalité s'est révélée si subitement, le remords se cramponne à sa conscience et le repentir nuit et jour la poursuit de ses terribles invectives. Pour elle, plus de sommeil, rien que de pâles insomnies. Une année s'écoula donc ainsi, et c'est à Grenoble que nous retrouvons l'amant et la femme. Ils revenaient de la Suisse par la Savoie. En arrivant à Grenoble, le capitaine Levison se mit en quête d'un appartement meublé, et il avait fini par en trouver un à son goût, dans une vieille maison aux murailles lézardées, salpêtrées et verdâtres, aux étages garnis d'innombrables fenêtres, et dont la toiture était comme envahie par un régiment de tuyaux de cheminées. Cette antique construction, au caractère sombre et désagréable, se trouvait située sur la place Grenette. Le capitaine Levison crut devoir prévenir Lady Isabel qu'il comptait s'y fixer quelque temps. Cette idée révolta la malheureuse femme, qui désirait se rapprocher de Paris, dans l'espoir d'obtenir plus promptement des nouvelles d'Angleterre. Mais le capitaine en était déjà venu à ne plus se soucier des idées et des désirs d'Isabel. Oh, qu'elle était changée, l'infortunée! C'est à peine si elle se reconnaissait elle-même. Ses amères déceptions, les angoisses de son âme se lisaient sur sa physionomie. Ses joues étaient caves, son teint flétri, son visage s'était allongé, et ses yeux, entourés d'un cercle noir, semblaient s'enfoncer dans leurs orbites comme dans deux fosses creusées par les soucis. L'on aurait pu croire tout d'abord qu'une maladie l'avait réduite à cet état. Hélas, les douleurs du corps n'y étaient pour rien. Seules les tortures de l'âme avaient amené ces tristes résultats. Quelques jours après leur arrivée à Grenoble, par une matinée du mois de juillet, Lady Isabel, qui s'était levée tard, car elle ne savait plus que faire de son temps, que faire de son ennui. Elle alla s'asseoir en rêvant à la table où l'on venait de servir le déjeuner, lorsque tout à coup le domestique du capitaine Levison, un Français qu'il avait pris à son service, pénétra dans la salle à manger, apportant avec lui deux lettres. « Pierre, les journaux sont-ils arrivés ?» demanda Isabelle. « Non, ma lady. » Le coquin mentait effrontément, car il venait à l'instant même d'enfouir dans la poche de son habit un numéro du Times. Du reste, s'il mentait ainsi, c'est qu'il était payé pour le faire. Cela faisait partie de son service. Le capitaine lui avait expressément défendu, pour une raison que nous ne tarderons pas à connaître, de remettre les journaux à Milady avant qu'il eût lui-même jeté un coup d'œil. Pierre, après avoir placé les deux lettres sur la table, disparut pour se rendre auprès de son maître. Isabelle prit alors ces deux lettres à la main, les tourna et les retourna entre ses doigts, et examina avec une vive attention l'écriture qui était sur chacune des enveloppes. Elle savait, elle avait appris que Carlyle avait fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir la rupture du mariage. Il s'attendait à chaque instant à en apprendre la nouvelle. Elle aussi désirait un divorce. Elle le souhaitait pour l'honneur du pauvre petit qui bientôt allait naître. Elle le souhaitait pour obtenir elle-même la seule réparation que pouvait lui donner maintenant le capitaine Levison, la malheureuse. Son amant ne songeait pas plus à lui accorder cette satisfaction qu'il n'avait songé à l'accorder à d'autres jeunes filles, dont il avait également terni la réputation. Elle n'ignorait pas, il est vrai, que cet homme, pour lequel elle avait consenti à se perdre, n'était que vice et corruption. Mais elle se doutait peu jusqu'à quel point il était faux et dissimulé. Le capitaine, en négligé du matin, sans s'être fait la barbe, sans même s'être lavé, se présenta tout à coup devant Isabelle. Il arrive fréquemment que ces hommes, dont nous admirons tant dans les salons du monde, la mise fashionable et la tenue parfaite, sont ceux qui, dans leur intérieur, sont le moins soignés et le plus malpropre. « Pierre m'a appris qu'il y avait des lettres pour moi, » fit-il avec nonchalance. « Il y en a deux, de votre avoué sans doute, car l'écriture est la même. » Il s'empara vivement des lettres et se retira dans l'embrasure de la fenêtre pour les lire à son aise. Voici ce que renfermait la première. « Monsieur, nous avons hâte de vous prévenir que le procès est terminé et que le divorce a été prononcé à l'unanimité. Nous ne tarderons pas à vous envoyer les pièces à l'appui. Agréez, monsieur, nos salutations empressées. Moss et Grab. » Tout était donc accompli, et Lady Isabelle n'avait plus aucun droit de porter le nom de Carlyle. Le capitaine plia la lettre et la serra avec soin dans la poche de son gilet. « Eh bien, y a-t-il quelque chose de nouveau ?» demanda Isabelle. « En fait, de quoi ?»« Mais touchant le divorce. » « Oh bon !» se contenta de répondre le capitaine. « Nous n'y sommes pas, et nous avons le temps d'attendre. » Puis il déchira la seconde enveloppe et lut ce qui suit. « Monsieur, à peine avions-nous terminé, mis à la poste notre dernière lettre, que nous avons appris la mort de votre grand-oncle, Sir Peter Levison. La nouvelle nous est parvenue cet après-midi et nous nous empressons de vous offrir nos respectueuses félicitations sur le nouveau titre que vous allez porter et sur la fortune dont vous héritez. Veuillez avoir l'extrême obligeant de nous transmettre vos ordres et ils seront exécutés avec la plus grande célérité. Agréez, monsieur, l'hommage de notre considération la plus distinguée, Moss et Grab. Enfin, il était temps, Dieu merci ! S'écria le capitaine en tressaillant de joie et en plaçant la lettre sur la table. « Le divorce est accordé ?» demanda Lady Isabelle avec une vivacité fébrile. Le capitaine s'assit à la table sans même daigner répondre. « Puis-je prendre connaissance de ce billet ? » continua-t-elle. « Pourquoi pas ? Je l'ai placé là dans ce but. » « Il y a quelques jours, interrompit Isabelle, vous avez jeté ainsi une lettre sur la table et lorsque j'ai voulu m'en emparer pour la lire, vous vous êtes emporté. Vous devez vous en souvenir, capitaine Levison. » « Je vous en supplie, madame, ne me donnez plus le titre de capitaine, j'en possède un autre, un meilleur. Et lequel, s'il vous plaît, ce billet vous l'apprendra, » fit-il en indiquant du doigt la lettre qui reposait sur la nappe. Lady Isabelle prit le billet et le parcourut d'un regard rapide, tandis que Sir Francis, car c'est ainsi que nous devons l'appeler désormais, après avoir bu tout d'un trait sa tasse de café, se leva pour tirer la sonnette. « Que tous mes effets soient prêts et emballés d'ici à 1 heure, « car je pars pour l'Angleterre, » fit Levison en s'adressant à Pierre qui venait d'entrer. « Comptez sur moi, » répliqua Pierre en quittant la chambre. « Mais vous n'allez pas me laisser seul ici ?» demanda Isabelle toute rouge d'émotion et d'anxiété. « Il m'est impossible d'agir autrement. Ce changement dans ma position, dans ma fortune, nécessite ma présence en Angleterre. Si votre présence était indispensable, Moss et Grab ne vous auraient point proposé d'agir en votre nom. Ce que vous dites là est absurde. Ces messieurs ont évidemment tout intérêt à me tenir éloigné. Ils ne songent qu'à faire de l'argent à mes dépens. Il faut que j'aille en Angleterre et j'irai. D'ailleurs, en ma qualité de neveu, il est de mon devoir de suivre le convoi de mon oncle. Alors laissez-moi vous accompagner. Voyons, Isabelle, vous divaguez. Êtes-vous en état de me suivre, et alors même que vous pourriez entreprendre un tel voyage, consentiriez-vous à retourner en Angleterre? Mais si vous allez à Londres, vous ne serez probablement pas revenu à temps. À temps pourquoi? Comment? C'est vous qui me le demandez. Mais à temps pour proclamer aux yeux du monde que je suis votre femme légitime, l'acte de divorce ne peut tarder à venir. Tant pis, clama sœur Francis d'un ton froid et hautain. Tant pis, dites-vous, mais alors, que va devenir l'enfant? Voyons, du calme, et ne nous emportons pas. Cette surexcitation constante ne peut que vous faire du mal. Est-ce ma faute à moi si je suis ainsi, à l'improviste, rappelé dans mon pays? Et vous êtes sans pitié pour l'enfant, continua-t-elle, les larmes dans la voix. Oubliez-vous donc que s'il vient à naître avant que vous m'ayez donné votre nom, ce sera un bâtard, et que jamais ensuite il ne pourra se défaire de cette flétrissure. Pourquoi n'écrivez-vous pas vous-même aux hommes de loi pour les engager à hâter le divorce? Riposta Levison avec son impudence ordinaire. Si cette affaire traîne en longueur, c'est à eux qu'il faut s'en prendre. Ce disant, il quitta brusquement Lady Isabelle, qui donna libre cours à son désespoir. Une heure se passa de la sorte. La malheureuse femme n'avait plus de larmes à verser. Ses yeux étaient secs, son visage morne. Une servante se présenta pour desservir la table. « Où est Pierre ?» lui demanda Isabelle. « Il fait ses préparatifs de départ. Il doit accompagner, monsieur. » À peine la domestique eut-elle quitté la chambre, emportant avec elle le plateau et les tasses, que Sir Francis Levison, en costume de voyage, vint prendre congé de Lady Isabelle. Alors elle se leva brusquement, s'élança d'un bond vers la porte, et fermant la serrure à double tour, elle barra le passage à Francis Levison, se tenant devant lui dans une attitude suppliante, les mains jointes et les genoux à moitié fléchis. « Francis, où reste-t-il au fond du cœur une étincelle? Je ne dirai pas d'amour, mais de pitié pour moi. » « Voyons, qu'avez-vous, Isabelle ? » murmura-t-il en lui tendant la main. « Vous savez bien que je vous aime. » « Eh bien, s'il en est ainsi, ne partez pas. Promettez, du moins, de ne partir que dans un jour ou deux. Attendez que nous ayons reçu la nouvelle du divorce et que nous soyons unis par le ministre protestant. »« Cela est impossible, » fit-il d'une voix ferme et décidée. « Brisons cet entretien. Vous me refusez ? » ?»« Oui, je refuse. » « En vérité, Isabelle, vous êtes pire qu'une enfant. Ne vous ai-je pas dit que je serai bientôt de retour ?»« Oh, ne pensez pas que ce soit pour moi, pour ma propre satisfaction, que je désire ce mariage, » continua-t-elle, tandis que le feu de la fièvre illuminait ses yeux. « Non. Vous me connaissez mieux, vous devez savoir que depuis longtemps, j'ai renoncé au bonheur, ma mémoire du sacrifice que je vous ai fait de mon honneur, en souvenir de toutes les souffrances, de toutes les humiliations, que j'ai éprouvé à cause de vous. Restez, ne partez point. Relevez-vous, Isabelle, dit froidement Levison en apercevant la malheureuse prosternée à ses pieds. Au nom de l'enfant qui va naître, cria-t-elle avec angoisse, au nom de cette pauvre petite créature qui ne demandait pas à vivre, au nom de la tâche infâme qui rejaillira sur son existence, ne partez pas, ne partez pas. Et elle se roulait à terre, et son regard brûlant se fixait sur le regard impassible de cet homme, qui demeurait muet et presque indifférent, en présence de cette douleur si grande et si saisissante. « Isabelle, vous êtes folle, » fit-il d'un ton calme. « Ne vous ai-je pas promis de revenir? L'enfant ne doit arriver que dans un mois. Eh bien, croyez-moi, je serai ici bien avant ce laps de temps. Une semaine me suffira pour accomplir tout ce que j'ai à faire à Londres. Voyons, soyez raisonnable, laissez-moi sortir. » Mais elle ne bougeait point. Elle se roidissait contre la porte, étendant vers lui ses mains crispées par la douleur et voulant l'empêcher d'avancer. Et lui, d'un geste qui indiquait une forte détermination, il la fit reculer subitement et il posa sa main sur la serrure. Alors elle se redressa, l'œil en feu, les lèvres sèches, le cœur pantelant, et de nouveau, elle voulut l'arrêter. « Grâce, » dit-elle, « grâce pour votre enfant. » Et elle le pressait dans ses bras d'une force convulsive. Il poussait des cris qui eussent remué les entrailles d'un lion. Mais se dégageant de cette étreinte de fer, il prononça ces mots avec une énergie glaciale qui la fit frémir. « Adieu, Isabelle, et soignez-vous bien. » Et il partit précipitamment. Lady Isabelle s'était évanouie. Quand elle revint elle-même, elle comprit qu'elle n'avait plus rien à espérer, rien à attendre de cet homme. Un horrible pressentiment traversa son cerveau, et ce pressentiment devait se réaliser. Quand l'enfant vint au monde, Sir Francis Levison n'était pas là pour le reconnaître et lui donner son nom.